بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى en cette nuit du 10 Muharram pour certains et du 9e Muharram pour d'autres, on se retrouve pour la suite de ce que du sujet qu'on a entamé sur les innovations que les exagérateurs ont inventées pour le mois d'Allah al-Muharram et pour Ashura. Et pour le 10e jour de ce mois qui est Ashura. Louange à Allah de nous avoir guidés vers la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et ceci est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah comble avec qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est Allah seulement qui détient cette guidée et qui détient la guider vers la voie qu'il aime et qu'il agrée. D'où le dua qu'il nous a imposé, subhanahu wa ta'ala, dans chacune de nos prières, dans chaque rak'at de nos prières. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Et cette grâce d'Allah, on doit en être reconnaissant à Allah, en accomplissant taqwa, qui est le fait en mettant en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'abstenant de ce qu'il a interdit, conformément au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, et selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs ridwanullah alayhim. Loin de toutes les innovations et de toutes les passions. Et qu'on sache, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont clarifier les savants, que les causes des innovations sont nombreuses. La première des causes étant l'ignorance des outils de la compréhension de la religion. La deuxième, l'ignorance des buts de la législation. La troisième, le fait d'avoir des bonnes suspicions sur la raison et de la mettre au-dessus des livres et de la sunna. Et la quatrième cause, le fait de suivre les passions. La cinquième, c'est parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science et accepter aussi cela de celui qui le dit. La sixième cause, l'ignorance de la sunna. Et cette ignorance est composée en deux parties. La première partie est l'ignorance de la distinction entre ce qui est acceptable des hadiths du messager alayhi salam et ce qui ne l'est pas. Et la deuxième partie de l'ignorance, c'est l'ignorance de la place de la sunna dans la législation d'Allah. Et la septième cause des innovations, c'est le fait de prendre d'autres voies pour confirmer les lois d'Allah en dehors des voies instaurées par la législation d'Allah. La huitième cause, c'est le fait de suivre l'ambigu des textes et ne pas comprendre l'ambigu et ce qui n'est pas clair des textes à la lumière des textes clairs et explicites. La neuvième cause, l'exagération concernant certains individus et le fait de se fanatiser pour un certain individu. Ces causes qu'ont citées les hommes de science peuvent être tous réunis chez un innovateur et dans une voie de l'innovation, comme ils peuvent être séparés dans les innovations et chez les innovateurs. Et des fois, on trouve une cause ou deux causes chez les innovateurs. Et quand on médite ces causes, ils sont tous réunis chez Rafida, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chez Rawafid, sont comme a dit Ibn Kathir rahimahullah dans l'explication qu'il a fait du Coran dans le tome 6 à la page 480. Il a dit rahimahullah, Rafida qui dénigre les compagnons et qui leur colle des défauts duquel Allah les a innocentés et qui décrivent les compagnons avec des descriptions qui sont en contradiction avec les descriptions qu'Allah a fait de ses nobles compagnons. Allah a annoncé, subhanahu wa ta'ala, qu'il a agréé le muhajirun et l'ansar, et il les a complimentés, et a fait leurs éloges, et ses insensés de rawaf et de ses ignorants les insultent, et les dénigrent, et propagent sur eux ce qui n'existe pas, et ce qu'ils ont, et ce qu'ils n'ont pas fait. En réalité, Rafida ont des cœurs à l'envers, son cœur sont à l'envers. Il dénigre ceux qui ont les éloges d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, et complimente les blâmables et ceux qui sont blâmés par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam. Fin de citation des paroles de Ibn Kathir. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Jami' al-Masa'il, le tome 5 à la page 151, il a dit rahimahullah, il n'existe pas dans la religion des musulmans le fait de faire du jour de la tuerie de quelqu'un une cérémonie de deuil, et prendre la journée comme un Eid est une innovation, et tout ce qui se raconte concernant Ashura et qu'on attribue au messager alayhi salatu wassalam, c'est du mensonge en dehors du fait de jeûner Ashura. Fin de citation. Donc frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, tout ce que font Rawafid durant ce mois d'Allah al-Muharram et lors de la journée de Ashura est en contradiction avec le livre d'Allah et la Sunna du messager alayhi salam et la voix des nobles compagnons et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Tout ce que le monde voit actuellement à travers le net et par le biais des satellites comme veillée de condoléances et de lamentations et comme scène où les hommes se donnent des coups de sabre sur la tête et sur le corps et des coups de fouet de chaîne de fer sur le corps, tous ces horreurs qui sont accompagnées d'insultes et de dénigrements de la meilleure génération de l'islam qui sont le compagnon, tout cela, tous ces actes-là ne sont que des actes de la période pré-islamique. Dans l'authentique de l'Bukhari rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie de nous ceux qui se tapent le visage et ceux qui se déchirent les vêtements et qui font les du'as de la période pré-islamique. Ceci concerne, frère en Allah Azza wa Jal, ce que font les gens quand ils subissent une catastrophe et quand quelqu'un de leur famille meurt. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, dans l'authentique de Muslim, je me dis à vous, de celle qui élève sa voix lors de la catastrophe, et aussi de celle qui se rase les cheveux lors de la catastrophe, et de celle qui se déchire son vêtement lors de la catastrophe. Et ceci est identique pour les hommes aussi, hein? Et tout cela, ce sont les actes que faisaient les gens de la période pré-islamique. Et qu'est-ce qu'il en est quand tout cela s'accomplit par Rawafid? Il y rajoute aussi les insultes et les calomnies et l'injustice envers les plus nobles croyants qui sont les compagnons de notre messager, alayhi salatu wassalam. Regardez combien ils aident. Ils donnent aux athées et aux juifs et aux chrétiens les outils pour dénigrer la religion. Et ils les aident à dénigrer cette religion. La religion d'Allah. Et ces rawaf et dimis dans la religion d'Allah, ce qui n'en fait pas partie avec ils, hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils font dans cette religion que ne connaît qu'Allah Azza wa Jal. De mauvaises choses qu'ils attribuent à cette religion que ne connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan a embellé aux gens de l'égarement le fait de faire du jour de Ashura un jour de cérémonie de deuil durant laquelle ils disent des poèmes où ils dénigrent les compagnons et durant laquelle inventent des miracles Al-Hussein et Al-Hassan et Al-Bayt et à la famille du prophète alayhi salam, ceux qui descendent de la lignée de Ali radiyallahu anhu majma'in et durant lesquels ils excitent la haine contre les gens de la sunna et contre les nobles compagnons et durant laquelle ils provoquent les séditions dans les pays de l'islam. Et ce genre de veillée de lamentation et durant ce genre de veillée de lamentation, hein, ils disent n'importe quoi et inventent n'importe quoi. Et ce genre de veille, on les voit, le faire à côté de la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, le soir après salat al-Isha, et après salat al-Fajr, la louange est à Allah, les autorités saoudiennes, hein, les chassent, et les font disperser de ce noble endroit. Les musulmans n'ont pas connu une fraction de grands menteurs, et de grands créateurs de sédition que ces rawafid. Ils aident les mécréants contre les musulmans. Ils sont pires que le Khawarij. Le Khawarij, le prophète a dit d'eux qu'ils tuent les gens de l'islam et laissent les adorateurs de statues. Une partie du hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Mais le rawafid aide les juifs et les chrétiens et les associateurs contre la famille du prophète alayhi salatu salam et contre la communauté de Mohammed alayhi salatu salam, comme ils ont aidé les ennemis de l'islam, les Tatars, qui ont fait un horrible massacre à Bagdad, au point que l'Euphrate est devenu rouge par le sang des musulmans sunnites et dans d'autres villes. Et comme il dit, ce qui est relaté dans le recueil du Fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, concernant les Tatars, il a dit, rahimahullah, quand les Tatars sont rentrés la première fois à Cham, au nord de l'Arabie, en l'an 99 de l'Hégire, malgré qu'ils ont donné aux gens, qu'ils ont dit aux gens, n'ayez pas peur, vous avez la sécurité, hein, nous, il ne vous arrivera rien. Ils ont pris, et avec cela, avec cette promesse et cet engagement, ils ont pris combattant les femmes et les enfants, et ils ont pris plus de 100 000 personnes, entre femmes et enfants. Et ils ont exagéré dans leur tuerie, et ils ont violé des femmes musulmanes dans les mosquées, et à l'intérieur de la mosquée de l'Aqsa. Et ils ont détruit les mosquées. Et ils n'accomplissent pas la prière, ces Tatars. Et ils étaient suivis par Zanadika et par les hypocrites et les pires adeptes de l'innovation parmi Rafida et Jahmiya. Et aussi ils sont suivis par ceux qui croient qu'Allah, hein, est dans toutes choses qui existe. Les Tatars vénèrent leur roi, Genghis Khan, ils le mettent au même rang que le messager d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors que c'est un associateur, un mécréant, parmi les grands politistes, les Tatars croient que Genghis Khan est le fils d'Allah et que c'est le soleil qui a rendu sa mère enceinte. A'oudou billah. Les Tatars remercient Genghis Khan pour leur nourriture, leur boisson, et ils s'autorisent à tuer toute personne qui est hostile à ce que leur a légiféré ce mécréant. Et la grande partie de ces ministres, des ministres de Genghis Khan, sont des philosophes juifs qui se prétendent être musulmans. Et ils ont réuni avec cela Rafd. En général, toute hypocrisie et tout athèse, mais toutes mes croyances, existent chez les disciples des Tatars. Rafida aime beaucoup les Tatars, aime beaucoup l'état des Tatars, car ils ont avec les Tatars les honneurs et la suprématie, ce qu'ils n'ont pas dans un état islamique sunnite. Rafida sont les plus grands aides et les plus grands auxiliaires des Tatars dans la prise des pays de l'islam et dans le massacre des musulmans et dans le fait de prendre leurs femmes comme butin. Parmi les grands ministres des Tatars, tous les Rafidis, l'Alqami, al-Rashid et d'autres Rawafid. Fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah dans le recueil du Fatawa au tome 28. Rawafid, il ne faut pas se faire avoir par les slogans qu'ils crient par moments. Mort aux Juifs, mort à l'Amérique, du pipeau tout cela. Ce Rawafid, ce sont les grands auxiliaires et les grands serviteurs dévoués de l'Amérique et des Juifs. Rawafid, ce sont des grands ennemis de l'islam et de la famille du prophète, alayhi salatu salam, qu'ils prétendent aimer et révérencier du mensonge. Et le mal de cette tendance, l'homme le plus éloquent serait incapable de citer dans son discours, de citer leur mal dans son discours tellement c'est énorme et horrible. Rawafid se sont particulièrement particularisés par rapport aux autres tendances chiites par les insultes des deux grands khalifs de la communauté, Abu Bakr et Omar, et par le fait de leur vouer une grande haine et de les maudire et de les considérer comme des mécréants. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'on a dit à l'imam Ahmed, c'est qui le Rafidi? Il a dit, radiyallahu anhu wa rahimahullah, Rafidi, c'est celui qui insulte Abu Bakr et Omar. Ils ont été appelés ainsi le Rafida, qui veut dire ceux qui refusent, car ils ont refusé Zayd ibn Ali, Zayd le fils de Ali ibn al-Hussein. Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire le petit, l'arrière-petit-fils de Ali radiyallahu anhu arda, et l'arrière-petit-fils de l'Hussein. Quand Shia ont demandé à Zayd ibn Ali ibn al-Hussein sa position vis-à-vis d'Abu Bakr et d'Omar, et quand il leur a montré qu'il s'allie et qu'il aime Abu Bakr et Omar et qu'il les considère comme les vizirs de son grand-père, le messager d'Allah, ils l'ont refusé, car ils ont une grande haine contre Abu Bakr et Omar. Et une petite fraction est restée avec Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Ceux-là ont été appelés Zaydiya. Hein? Une grande partie ont refusé Zayd. Et ils ont été appelés ainsi Rafida, les refuseurs. Et qu'on se détrompe pas, Zaydiya qui sont qui sont représentés actuellement par le Houthiyoun, ce sont des Rawafid. Comme ils ont dit certains grands imams de la science du Yémen, ramène-moi un petit Zaydi, je t'en sors un grand Rafidi. Shia, qui veut dire les adeptes de Ali, de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, n'existe plus. Ce qui existe actuellement, ce sont Rawafid. Ceux qui prétendent aimer la famille du prophète, nous mettons ils la haïssent. Et haïssent les gens de la sunna et la sunna. Donc ces Rafida ont refusé Zayd ibn Ali parce qu'il s'est montré l'allié de Abu Bakr et Omar, car Rafida les déteste. Donc celui qui déteste ses deux nobles compagnons, c'est un Rafidi. L'origine du Rafd, c'est l'hypocrisie et la mécréance. Rafd a été innové par Abdullah ibn Saba, le zindiq juif yémanite, qui a été dans une grande exagération horrible concernant Ali radiallahu anhu arda. Il a prétendu que Ali est l'imam annoncé dans les textes. Et il a prétendu que Ali est infaillible. Et il a divinisé Ali radiallahu anhu arda. Abdullah ibn Saba, cet extrémiste parmi les grands exagérateurs de la Zandaqa, est un égareur d'origine yéménite. Il était juif et il a fait apparaître l'islam et il a voyagé, sillonné le monde de musulmans connu à cette époque, en émissant dans l'esprit de ceux qui le côtoient et ceux qui l'écoutent la désobéissance au gouverneur pour créer la zizanie entre eux. Et c'est le fondateur de la Saba'iyya. Et ce juif a prétendu que Ali est la divinité. Et il disait que le prophète, alayhi salatu wassalam, va revenir, et que le Coran que nous avons entre les mains, ce n'est que le neuvième, une neuvième partie du Coran, et la science, et les autres parties qui manquent, leur science est chez Ali. Et Abdullah ibn Saba, c'est le premier qui a fait apparaître les insultes et les calomnies des deux grands cheikhs qui sont Abu Bakr et Omar, ridwanullah alayhim. Pour plus d'informations sur tout ça, revenir à l'Insan al-Mizan et al-A'lam et autres. Vous voyez l'origine des innovations des Rawafid vient d'Abdullah ibn Saba. Donc il n'y a pas à être étonné de voir ces erreurs qu'ils font, et comment ils haient la sunna, et comment ils haient les gens de la sunna. Donc, vu que le Rafd, sa base et sa source, c'est l'hypocrisie, certains pieux prédécesseurs ont dit, aimer Abu Bakr et Omar, c'est la foi, c'est l'iman, ça fait partie de la foi. Détester Abu Bakr et Omar, c'est de l'hypocrisie. Aimer Banu Hashim, c'est la foi, fait partie de la foi. Et détester Banu Hashim, c'est de l'hypocrisie. Revois pour cela le recueil des fatawa d'Ibn Taymiyyah dans le 4e tome. Banu Hashim, c'est les descendants de Hashim, Ibn Abdou Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murra. Et on l'a appelé Hashim, car c'est lui le premier qui a émietté Tarid pour son peuple à la Mecque. Tarid, c'est un genre de plat qu'on fait avec du poulet, avec un peu de lentilles, bien épicées, et on émiette des galettes de pain. On émiette et on les arrose avec cette sauce. Et voilà, il est délicieux. Et il est facile à avaler. On l'appelle Tarid. Et donc c'est le premier qui a émietté Tarid pour son peuple à la Mecque. Et c'est lui qui a instauré les deux voyages de Quraysh, le voyage de l'été et celui de l'hiver. Et c'est le grand-père du messager ainsi que de Ali ibn Abi Talib. Ce Hashim est mort à Gaza en Palestine et c'est à lui qu'on doit, qu'on affilie les différentes familles appelées Hashimites, comme ceux de Jordanie, la famille du roi de Jordanie, et ainsi de suite. Et ceux aussi du Maroc, et ainsi de suite. Ces Rawafid sont décrits par Cheikh Islam dans son livre Minhaj Sunna. Il a dit d'eux, Rafida est une communauté qui n'a pas une raison claire, ni des textes authentiques, ni une religion acceptable, ni une vie triomphante. C'est le plus grand groupe du mensonge et de l'ignorance. La religion introduit chez les musulmans toute hypocrisie et tout apostat, comme s'est introduit au milieu d'eux Nusayriya et l'Ismaïliya. Comme ils ont introduit au milieu des musulmans Nusayriya, les Nusayrites et l'Ismaïliya, les Ismaïlites. Et d'autres, Rawafid, s'attaquent au meilleur de cette communauté, se disent à vous d'eux, et s'allient, et donnent leur alliance aux ennemis d'Allah, parmi les juifs, les chrétiens et les associateurs. Et ils repoussent la vérité claire et adoptent le mensonge inventé. Et ils se basent sur le mensonge inventé. Ils sont, comme il a dit, les concernant Sha'bi, rahimahullah. Et Sha'bi, comme dit Ibn Taymiyyah, était un grand connaisseur parmi les connaisseurs de Rafida. Et ce Sha'bi, rahimahullah, a dit de Rafida, s'ils étaient des animaux, ils seraient des ânes. Et s'ils étaient des oiseaux, ils seraient des rahm. Fin de citation. Rahm est une sorte de grand oiseau, rapace, qui a la forme d'aigle. Sauf que il est noir et blanc. Noir, il est, la majeure partie de son corps est blanche, et il y a des parties de ses ailes et sur son ventre, etc., qui est blanc. Il sera pas assez connu pour sa trahison. Regardez pourquoi il les a assimilés à Rahm. Parce que cet oiseau est connu pour sa trahison. Et on dit aussi que cet oiseau est connu pour les impuretés. Ceci est relaté dans les salles arabes de Ibn Mandour. Et on dit aussi qu'il est stupide, au point qu'il ne reconnaît pas son nez. Il s'envole pour aller voir, etc., mais de son nid dans lequel il y a les œufs de ses petits, et des fois il ne sait pas y revenir. Rahimallahu Sha'bi, rahimahullah. Il a donné une description exacte à ses Rawafid. Et cela prouve qu'il les connaît bien. Sha'bi, Amir ibn Rasharahi, al-Hamdani, un grand savant parmi les tabi'in. Al-Kufi, Abu Amr Sha'bi, réputé, digne de confiance, un homme de mérite. Makhoul a dit de Sha'bi, je n'ai pas vu plus savant que lui. Et il est mort, rahimahullah, après l'encens de l'Hégir, et il avait 80 ans. Sa biographie est relatée dans Siyar Alam Nubala et dans Taqrib Tahdhib. Dans le récit de Cheikh l'Islam, que je viens de citer, il y a le nom de Nusayriya et de l'Ismaïliya. Nusayriya fait partie des groupes ésotériques. Ils sont affiliés à Muhammad ibn Nusayr al-Namiri. Et ils étaient parmi les exagérateurs qui disent que Ali c'est Allah. Leur mécréance est plus grave que celle des polythéistes et celle des juifs et des chrétiens. Ils se donnent l'image d'être musulmans. Il se présente en tant que musulman et en tant que partisan des gens de Al-Bayt, des gens de la famille du prophète, alors qu'en réalité, il ne croit ni en Allah, ni en son messager, ni en le livre d'Allah, ni aux ordres, et ni aux interdictions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas non plus en la récompense et en le châtiment, ni en le paradis et l'enfer. Il ne croit en aucun messager. Leur but, c'est de nier la foi et les législations de l'islam par n'importe quel moyen. Les cinq prières pour Nusayriya, pour eux, c'est connaître leur secret, c'est-à-dire connaître leur intérieur et leur secret. Le jeûne pour eux, c'est cacher leur secret. Le pèlerinage pour eux, c'est visiter leur chouyour. Ils aident les ennemis d'Allah et les ennemis de l'islam contre l'islam. L'apparence de leur voix, c'est rafd. Mais la face cachée de Nusayriya, c'est de la mécréance. Voir plus de détails concernant Nusayriya et autres, et ces groupes ésotériques, le recueil de Ibn Taymiyyah et le livre de Shia wa Tashayyu'. Regardez, méditez ce qu'ils font, ce qu'ils ont toujours fait des sunnites en Syrie. Et dans le texte d'Ibn Taymiyyah, il y a aussi le nom de l'Ismaïliya, les Ismaïlites. Cela s'affilie à Mohammed ibn Ismaïl ibn Ja'far. Ils prétendent que le rôle de l'imamat et du pouvoir revient à Mohammed ibn Ismaïl car il est le septième imam. Ils avancent comme preuve que les cieux sont au nombre de sept, que les terres sont au nombre de sept, que les jours de la semaine sont au nombre de sept. Ils disent que Mohammed ibn Ismaïl a abrogé la législation du messager d'Allah. Leur mécréance est très grave. Ce sont de grands exagérateurs. Ils disent que le monde est ancien et ils ne reconnaissent pas le dernier jour et ils rejettent les ordres de l'islam et aussi les interdits de l'islam. L'Ismaïliya font partie de l'Qaramita par affiliation à un homme du nom d'Ahmed Qarmout. L'Qaramita est un groupe ésotérique. C'est eux, c'est Qaramita à l'époque des Abbasides qui ont massacré les pèlerins à la Mecque, à l'intérieur de la mosquée sacrée, et les ont jetés dans le puits du Zamzam, et ils ont pris avec eux la pierre noire, et ils l'ont gardée pendant 22 ans. Ceci s'est passé à l'époque abbasside, et notamment à l'époque du calife al-Muqtadir Billah. Ce groupe ismaélite, sa mécréance est plus grave que celle des juifs et chrétiens, et des politistes arabes. Leur voix et leur croyance est composée de philosophes et de zoroastrianisme, de philosophie et de zoroastrianisme, c'est-à-dire l'adoration du feu. Ils font apparaître Tashayyu, ils font apparaître le fait d'être des alliés et des adeptes de la famille du prophète alayhi salam. Pas, ils font apparaître tout cela par hypocrisie. Il est plus répété parmi eux, parmi l'Ismaïliya, ce sont les Ubaydiyoun, ces impurs qui ont gouverné à l'âge de temps le Maroc, puis une grande période l'Égypte et le nord de l'Arabie, voire pour cela Talbis Iblis d'Ibn al-Qayyim et le recueil des Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Et à notre époque, les chiites du monde, ou plutôt Rawafid dans le monde entier, au Pakistan, en Inde, en Irak, en Iran, à Bahreïn, dans certaines régions d'Afrique, et dans tous les endroits où il y a des Rawafid, Ben, ils accueillent le mois de Muharram avec la tristesse et avec des histoires à dormir debout. Et ils fabriquent un mausolée en bois. Et ils le décorent avec du papier de différentes couleurs. Et le papier crépon là. Et ils l'appellent le mausolée de l'Hussein ou ils l'appellent Karbala. Karbala se trouve du côté de l'Koufa. C'est le lieu où a été tué l'Hussein. Et sa tombe, radiyallahu anhu, se trouve sur le bord du fleuve de Karbala. Et dans le mausolée que Rawafid construisent à travers le monde, là où ils sont dans leur village, dans leur ville, hein, ce mausolée qu'ils fabriquent, il y a place de tombe. Et ils appellent le mausolée à Taziya, les condoléances. Des enfants ce jour-là, le jour de Ashura, se réunissent habillés de vêtements roses ou de vêtements verts et on les appelle les pauvres de l'Hussein. Le premier jour de l'Muharram, Rawafid font le ménage du printemps de leur maison. Et puis, ils dressent la table de bouffe. Ils dressent la table, ils mettent de la bouffe dessus, ils lisent le Fatiha sur cette nourriture et le début de Surat al-Baqara ainsi que le Kafirun, l'Ikhlas, Qul a'oudhu bi Rabbil Falaq, Qul a'oudhu bi Rabbin Nas. Puis ils prient sur le prophète et le repas est offert aux morts. Et durant ce mois de Muharram, il est interdit chez Rawafid de s'embellir. Et de mettre ses beaux vêtements. Les femmes et les hommes, les gens ne mangent pas de viande. Ils ne font pas de fête de mariage ou autre. Ils ne contractent pas d'acte de mariage durant ce mois de Muharram. Et si le mariage d'un homme et d'une femme n'a pas plus de 2 mois, la femme est interdite pour son mari durant ce mois d'Allah al-Muharram. Les gens, hommes, femmes, se frappent le visage, déchirent leurs vêtements, pleurent, se lamentent, tout ça, pour exprimer leur tristesse pour la mort de l'Hussein. Et là commencent les insultes de Muawiya, radiyallahu anhu arda, et de ses amis, et de son fils Yazid, ibn Muawiya, ainsi que tous les nobles compagnons, radiyallahu alayhim. Ils diront la première décane de l'Muharram, de géants, feux sont allumés partout, et les gens sautent le feu d'un côté à l'autre. Il faut savoir que cette pratique de l'allumage du feu se faisait encore, hein, au Maroc, il n'y a pas longtemps. Je me rappelle, j'avais 15 ans, et, hein, dans la montagne, face à notre village, hein, dans le Haut Atlas, les gens, pendant plusieurs jours, ramassaient les caoutchoucs et les pneus, etc. Ils les montaient dans un endroit qui fait face au village. Et la nuit de Ashura, ils allument le feu. Hein, et le feu doit rester allumé toute la nuit. Hein. Et ils appelaient ça Laylat Sha'ala, la nuit des flammes. Je me rappelle aussi que cette nuit Laylat Sha'ala, la nuit des flammes, il est appelé ainsi aussi à Marrakech, où il y a une veillée la nuit de Ashura. La nuit de Ashura, il y a une nuit avec une spécialité des Marrakechis qu'ils appellent Daqal Marrakechia. Qu'elles ont des tambourins dans la main, etc. Ils se réunissent avec ces daqqa jusqu'à l'aube. La nuit de Ashura jusqu'à l'aube. Et durant cette nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme, hein, beaucoup sont sous, drogués, et ainsi de suite. Et durant cette nuit-là, il y a beaucoup de viols aussi. Car les femmes chantent une chanson, disent, c'est Ashura, les gens ont aucun pouvoir sur nous. Le commandement des hommes se fait lors du Mouloud. Et les femmes font des veillées avec de la musique et des tambourins, et sont habillées avec leurs plus beaux vêtements, de ce que je me rappelle quand j'étais à Marrakech. Et pour voir qu'il y a différentes façons avec lesquelles se fait Ashura à travers le monde. Même dans les pays où il n'y a pas de chiites, il est resté, vu que les Ubaydiyoun sont passés par l'Afrique du Nord, ils ont laissé quelque chose. Et dans les pays chiites, Diyar Rawafed, les enfants circulent dans la rue en criant « Ya Hussein !» en implorant le Hussein. « Ya Hussein, Ya Hussein !» Et toute nouvelle naissance durant le mois d'Allah, le Muharram, est considéré comme un mal, comme un malheur. C'est une mauvaise augure. L'Iyadan Billah. Dans certaines régions où habite Rawafid, on fait résonner les tambourins, les tambours, la musique partout. Les drapeaux de différentes couleurs sont levés partout. Et les gens passent sous les mausolées dressés. C'est-à-dire les mausolées qu'ils fabriquent en bois, ils les dressent en hauteur de façon à ce que les gens passent en dessous. Passent en dessous des mausolées en s'essuyant avec les drapeaux dressés pour avoir la bénédiction. Ils croient qu'agissant ainsi, qu'aucune maladie va les toucher et que leurs vies seront longues. Riyadan billah. Dans certains pays, les gens sortent la nuit de Ashura en bandant les yeux d'un homme ou de plusieurs hommes et ils circulent ainsi dans les rues. Et à l'approche du lever de soleil, ils reviennent chez eux. Et lors de la journée de Ashura, on prépare une nourriture spéciale. Les villageois ainsi que les habitants des villes sortent à un endroit spécifique appelé Karbala. S'ils sont à Karbala, ils vont vers là. S'ils sont pas là, ils appellent un endroit, ils désignent un endroit et lui donnent le nom de Karbala. Et en général, cet endroit qu'ils appellent Karbala, ils y dressent le mausolée. Et ils vont là-bas, ils vont faire tawaf autour de ce mausolée et prennent les bénédictions en s'essuyant des drapeaux élevés. Et la musique retentit avec les tambourins, avec les bendirs, avec toute forme d'instrument de musique qui fait beaucoup de bruit. Et quand le soleil se couche, ils enterrent le mausolée en bois. Ou alors, s'il est dressé à côté d'un fleuve, ils le jettent dans le fleuve. Certains rawafid, après, vont s'asseoir au bord des ruelles et dans les rues, pour donner à boire aux passants. Ils leur donnent à boire une boisson qu'ils appellent selsabil et ils la distribuent gratuitement à ceux qui passent. Certains exhortateurs parmi les rawafid durant ces 10 premiers jours dans le Muharram tiennent des assises où ils citent les mérites de Hassan et de Hussein. Et en ces temps, et après ils citent des horreurs contre Muawiya et son fils Yazid, et ils envoient un déluge d'insultes et de malédictions contre les compagnons et à leur tête Abu Bakr et Omar. Ces conteurs d'histoire qui comptent les mérites inventés comptent aussi les mérites inventés pour Ashura et le mois d'Allah al-Muharram. Et 40 jours après Ashura, ils font une fête qu'ils appellent Arba'in, la quarantaine. Et ils ramassent de l'argent chez les gens et achètent de la nourriture particulière et ils invitent les gens à manger. Ce genre d'innovation s'accomplit en Inde, au Pakistan et dans tous les pays où il y a les chiites et surtout l'Iran, l'Irak, Bahreïn. Et remarquez ici, frères en Allah, Azza wa Jal, le repas qu'ils font 40 jours après ها عاشوراء. Combien de Maghrébins sont attachés à cette coutume qui est de faire un repas 40 jours après la mort de quelqu'un de leur famille? Méditez l'origine de cet acte. Et aussi le fait de sortir dans les rues et Shia al-Rawafid ramasse de l'argent et demande de l'argent. Ben, il faut savoir que après la veillée de Ashura, hein, les Dqaiqi de Marrakech circulent dans les quartiers, dans leurs quartiers, pour ramasser de l'argent après Ashura si les gens, et après ils achètent avec l'argent ramassé un veau, et ils faisaient un grand pique-nique dans les oliveries autour de la ville rouge, autour de la ville de Marrakech. Et durant cette période de Ashura, vous voyez les enfants avec leurs tambourins tournés et qui mendient de l'argent sans aucun problème. Et les parents les laissent mendier sans problème. Donc frère en Allah subhanahu wa ta'ala, dans les actes que font Rawafid durant ce mois d'Allah al-Muharram et lors de la journée de Ashura, tout ce qu'ils font, ils croient que ceci les rapproche d'Allah et que ce qu'ils font expie leurs péchés qu'ils ont commis durant l'année précédente. Ils ne se rendent pas compte que leurs actes impliquent qu'ils soient chassés et éloignés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. La traduction approximative du sens du verset est quoi? Celui à qui on a enjolivé ses mauvaises actions au point qu'il la voit bonne, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ben, c'est la situation des Rawafid. Ils voient leurs mauvaises actions en bonne action. Riyadan billah. D'où la réalité de la parole que Ibn Kathir a dit, comme quoi leurs cœurs sont à l'envers. Wa qala azza wa jal, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Et donc, ce verset, la traduction approximative du sens du verset nous dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Tout ce qu'ils font, c'est de l'égarement. Et avec ça, ils s'imaginent qu'ils sont dans le bien. فَسَلَّهُ الْعَظِيمُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يُفَقِّهْنَا وَإِيَّاكُمْ فِي دِينِهِ وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمْ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ هَذَا الْبَلَاءَ. اللهم ارفع عن أمة محمد هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. سلو سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا من بلاد الكفر ويردهم سالمين غانمين إلى بلاد الإسلام، وأن ييسر لهم هجرتهم، وأن يثبت المهاجرين منهم في بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.